du cœur à l'ouvrage, c'est le ciel qui te pousse, qui te tire. Chasseur de nuages, pourfend l'heure d'orage, c'est le ciel qui te tord le cou. Collectionneur à tes heures, tout son de la valeur, les stratus, cumulus, les cirrus. Et l'incunilincus, chasseur de nuages, ton cœur n'a pas d'âge. Le ciel te garde une âme d'enfant, chasseur de nuages, tu épies les présages, le ciel t'interroge tout le temps. Collectionneur à tes heures, tu connais bien leurs humeurs. Nabus, Marius, Sirius et le petit Cunilingus. Que serait le ciel sans jamais un nuage? Un pays facile, sans pluie, sans mirage, chassant de nuages. C'est le ciel.